Arcadia, Arcadia, Arcadia, Arcadia. La plume toujours aiguisée, Dablas, tu sais pas qui c'est. Deux, trois rimes à glisser, les yeux plissés quand j'ai teasé. C'est ma qui vous élisez, en vrai la politique c'est chum. Je travaille pour les jeunes, pas pour ces larpins déguisés. Hey, je suis épuisé devant leur nature humaine. Frérot, je suis excité, adepte de l'écriture urbaine. 20 piges dans le deal de rime, je suis toujours pas grossiste. J'aurais pas la joie de faire platine car j'ai le rap trop triste. Je fais trop de cris, je bois trop de tiges, j'ai la faim me guette. Dans ma matrice, je me dis que je fais le bien peut-être. Que les rageux se taisent, qui leur a donné la parole. Et même s'ils m'arrangent, tu veux me clasher, bah fait 2-16. Après 6 ans de 16, je reviens kicker à droite à gauche. Et ça fait kiffer ta go. Et ça rend jalouse ma go. J'aurais jamais le mago. À mon âge, mes rêves sont fanés. J'ai gâché bien des années, bien caché dans mon ego. A chaque album que j'ai fait, j'ai pris du level. Donc j'ai du mal à me dire que mon écriture est vaine. Là, je vais péter un cap si on m'accable pour mes rimes. Mais je sens que je cannerai à Paname à la Jacques Mérine. Là, j'atterris juste pour baffer les salopes. Si je jouais d'un instrument, ça serait de la trompe de Falof. Je suis salace, tu veux du sale, il faut halas. Dablast M6, c'est juste un set de cœur qui vire à l'as. Ouais poto, je me suis levé, migraine Y et mal au bide. Aucun me laissait la vie, JQV dans son nid de biche. Regarde le ciel, surveille la terre au loin. Camouflage terre de sienne, renégat en sécession à la quête d'une terre sans loi. Gérer la barre, c'est vrai, choisir le mauvais virage. Et que les virer de bord, je ne me laisse séduire que par des mirages. L'humain est dépassé, venu le règne de son IA. C'est son plan pour nous ralentir à sa portée l'Arcadia. C'est pas une ode à la misère, pas d'indulgence pour les bâtards. Tu m'as deuxième du nom, et corsaire tes chuches et les bannières. Tu crois connaître la galère, ouais tu galères, tu peux râler. Histoire de banlieue, c'est le prof de kung fu qui termine les tripes à l'air. Je mets pas de pièces dans la machine, ouais je les laisse entremâcher. Je m'attache au fond, ouais dans le fond je ne survais que le sens caché. J'ai mis de l'eau dans mon vin, je travaille le détail unlock. Je m'en bats les couilles, j'ai capté fort à l'as pour entrer dans le catalogue. Je reste sur mon radeau, loin de tous ces MC analogues. Je me barre jusqu'à percevoir les rives de la Catalogne. T'en fais qu'à ta tête, ouais alors. J'ai qu'une seule ambition, rester fidèle à ma logique comme Pythagore. Écoute, c'est comme ça que ça part, plongé dans mes petits paplards. J'ai taffé les images et la texture pour que tu parles plat. Il se fait tard, j'ai pris la rime, je peux pas m'en défaire. Ouais. Le plus rare dans ma vie, c'est l'oasis au fond d'un désert. Je me desserre à m'enfermer au shit quand la nuit m'articule. J'essaie de laisser ma trace un peu partout comme une petite particule. Ouais. Un peu de peinture, un coup de marqueur pour que le mur transpire. J'agrippe la feuille pour ce que ma prose n'aurait pas pu transcrire. Il faut que ça pète, alors vas-y, faut faire cracher les basses. Ils misent sur les effets, perso j'arrive pour décrasser les basses. Je me sens bouillant quand le ciel se couvre et que les oiseaux s'excitent. Je me pète le bidou rap avant que ma plume devienne anorexique. Le soleil du Mexique, la thune en masse, j'ai pas besoin de tout ça. J'en voulais pas même avant de voir vers où la vie me pousse. Encore un cesse de plus, un point en moins pour que le cœur s'allège. Un pet de plus, un rêve en moins pour que les peurs s'allègent. La boussole tonton.